بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، فهذه الحلقة الثامنة في رسالة تحريم تنبيه للألباب في تحريم الدراسة عند أهل البدع. C'est notre huitième cours autour de cette رسالة qui attire l'attention de ceux qui sont doués de raison comme quoi il est interdit d'apprendre chez les gens de l'innovation. فأريد من الإخوة أن نعلم أن هذا دين وأن الدين لا تستعمل فيه العواطف، والعواطف يجب أن تقيد بالكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة، وإلا انقلبت عواصف. فمن الله عز وجل يفكون ساشون كسا ستون غوليجيون et que la religion on doit y être comme le veut Allah, comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme étaient les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et que il ne faut pas qu'on émisse nos sentiments dans la religion. Les sentiments, nos sentiments doivent être conditionnés avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna des prophètes alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sinon les sentiments vont devenir des tempêtes. Ils vont faire plus de dégâts qu'autre chose. العواصف إن لم تقيد بالكتاب والسنة تصبح عواصف إخوة الإسلام. ونعلم أن المتمسك بدينه وفق منهج السلف كالقابض على الجمر. Il faut savoir que celui qui se compose à sa religion selon la voie et la compréhension du plaisir d'Allah, c'est comme quelqu'un qui a une braise dans la main, comme l'a dit le Rasoul صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تحسن القبضة على الجمر قد تحرقك. فانتبه أخ الإسلام. Et si tu ne sais pas tenir cette braise, il va te brûler. Donc tu dois faire attention. Comment être avec, etc. Tu ne dois pas tomber dans une extrême. Tu ne dois pas être laxiste non plus. Tu dois être dans le juste milieu. Pour être digne de la voie de tes puiseurs d'Allah. Pour être digne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَلْتَبِسْ عَلَيْكَ الْأُمُورَ أَخَ الْإِسْلَامِ هَذَا صَدِيقِي كل طفولة مررتها معه وما إلى ذلك. انصح له، وإذا رأيت أنه يتمادى في البدعة وفي مماشاة أهل البدعة فابتعد عنه لكي تقي نفسك. الله عز وجل que la situation ne soit pas ambiguë pour toi, que tu ne tombes pas dans les ambiguïtés. Dis, ah, c'est mon ami d'enfance, passé toute ma jeunesse avec, etc. Conseille-le. Conseille-le, refais le conseil, etc. Tu vois qu'il s'entête à vouloir rester avec les innovateurs et être dans l'innovation. Éloigne-toi de lui pour te préserver. Pour te préserver avant toi, à l'islam, et préserver ta religion. فلا ترضي الناس بسخط الله. فمن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. كما جاء في الأثر. Ne contente pas les gens avec le mécontentement d'Allah. Car celui qui cherche à contenter les gens en mécontentant Allah de lui, Allah il fait que les gens soient mécontents de lui. Comme il est dit dans le hadith. Enfin, regarde ce que tu veux. Tu veux l'agrément d'Allah, ou que Allah subhanahu wa ta'ala soit content de toi, ou là tu veux que les gens t'agréent et soient contents de toi. Regarde, qu'est-ce qu'ils te font. Hein? Wa irda'u an-nas ghayatun لا تنال أخ الإسلام وإرضاء الله غاية سهلة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. Contenter les gens c'est un but qui est impossible. Pas contenter tous les gens, c'est impossible. Et avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala soit content de toi, c'est facile à obtenir pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité. كذلك لا يأتيك في عقلك كيف لا أسلم على صاحب البدعة أو كيف لا أرد السلام على صاحب البدعة كذا. فهكذا أخ الإسلام كان سلفك الصالح. ولا تأتيك ولكن المصلحة تقتضي أن أسلم وأرد عليه السلام. هذا الأمر أخ الإسلام تقتضي المصلحة ولا تقتضي ينظر فيه. هل يترتب عليك أنت مفسدة في دينك ودنياك؟ هذا الذي تنظر إليه، ليس المصلحة تريد كذا، ولكن ما المفسدة التي تترتب عليك إذا سلمت ولم تسلم عليه؟ لأنهم يطلبون بدفع المفاسد. en Allah Azza wa Jal, et que ce ne soit pas pour toi dans ton esprit le fait de rendre salam, de ne pas rendre salam ou de salam ala al-mubtadi ou pas. Tipizel, radhiallahu anhu, était ainsi. Il ne dit pas l'intérêt veut que je lui rende salam ou là que je le salam. Il ne faut pas que tu vois la situation de ce côté-là. Les hommes de science la voient d'un autre côté. Il faut voir quoi, c'est quoi le mal qui découle du fait quand tu vas lui faire salam. Ou qu'est-ce que, si tu lui réponds salam, ou si tu lui réponds salam, ou si tu lui donnes pas salam, quel mal il va en découler dans ta religion et dans ton bas monde. Hein? Et comme je te dis hier, et je vais te le répéter, des fois tu as des gens, ils veulent donner une mauvaise image de ceux qui suivent la voie du puiseur d'Allah. Dans la mosquée, ils sont avec des personnes, des communs, etc., ils discutent avec. Il te provoque. Toi, tu passes de loin. Salam alaikum. Mais oui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il veut jouer avec l'esprit de ceux-là qui sont autour de toi ou de lui pour leur montrer que toi, voilà, tu es sur une voie dangereuse, tu es un extrémiste. Dans ces cas-là, là, il va y avoir un mal qui concerne ta religion, qui concerne l'image de la voie sur laquelle tu es. Donc toi aussi, tu lui vas de loin. Wa alaikum salam. Comme ça, il n'aura pas l'occasion de leur dire, regardez, j'ai dit salam, il ne me l'a pas rendu, ça veut dire que moi et vous, on est des kuffars. Ainsi, ils agissent à l'islam. Andak. Hein? Donc, il ne faut pas tout mélanger. La voix de nous puiser veut de nous qu'on ait des règles et des fondements sur lesquels qu'on doit maîtriser, avec lesquels qu'on doit utiliser dans toutes les situations. Pour ne pas être perturbé. Pour ne pas être perturbé. Et le comportement que nous devons avoir avec les prêcheurs de l'innovation est une chose, et avec le commun c'est une autre chose. Et le comportement que nous devons avoir avec notre père, notre mère, etc., qui eux ils se sont fait avoir par les innovateurs, doit être tout à fait autre. Hein? Enfin, la situation n'est pas identique à tous les niveaux, il y a un comportement qui doit être digne de la voix de Tibuzer d'Allah. Allez. Hein? Attends un peu. Et hein? Donc à toute situation il y a des règles, il y a un comportement à avoir. Tes parents, ils n'ont pas appris ce qu'ils ont trouvé, ils l'ont pris comme ça, hein? Ils ont vu les gens, ils n'ont pas eu cette opportunité que toi Allah t'a comblé, t'a donné. Tu sais lire, tu sais écrire, tu sais chercher dans les sites internet dignes de la voix du puiseur d'Allah Alim, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc ce père que tu as en face de toi, tu dois utiliser le langage adéquat. Et tu dois te dire une chose. Les maghrébins en général, et les parents maghrébins ne sont pas encore prêts à prendre le conseil d'un plus petit qu'eux. Et encore de sur quoi leur enfant, qu'ils ont vu grandir. Et surtout si l'enfant il était dans l'ahwal, il était dans des situations bizarres, et il faisait n'importe quoi quand il est jeune, c'est pas du jour au lendemain que les parents ils vont accepter de lui. Il faut que tu prennes tout en condition, en considération, et que tu utilises un comportement adéquat et qui est digne de la voix de Tupuzel pour pouvoir véhiculer ton message. Pas du jour au lendemain tu veux renverser la situation, que tout le monde devient Aïcha, tout le monde devient Abu Bakr, et toi tu ne l'es pas non plus, pas encore. Ben non, il y a, et tout ceci s'apprend. Il ne vient pas du vide à l'islam. Il ne s'apprend pas n'importe comment. Il s'apprend c'est ceux qui en sont dignes. Et alhamdoulilah, ils sont encore nombreux maintenant. Ils sont vivants. Il faut juste que tu prennes sur toi, tu endures, tu patientes, tu sacrifies, et tu vas les voir. Et là où ils sont, que ce soit en Arabie ou au Yémen ou ailleurs. Hein? L'hijra et le voyage pour la demande de la science, c'est une sunna sur laquelle était le puiseur d'Allah. Un sahabé a voyagé de Médine à Sham, le voyage d'un mois, pour un seul hadith. Un seul hadith. Abdullah ibn Abbas, pour un hadith, il savait qu'un compagnon, il est allé sortir du centre de Médine. Hein, de là où il habitait, il est allé très loin. Il est arrivé à l'heure de la sieste. Et il est resté devant la porte. Il n'a pas frappé. Il a attendu la poussière, l'air chaud, etc. Hein? Il attendait. Il faut savoir Rien ne vient du vide. Il faut qu'on sache qu'on veut et qu'on sacrifie pour. Hein? Rien ne peut venir comme ça. Tu es assis comme ça et que la science va venir comme ça. Là, il faut que tu fasses des efforts. Et il faut que tu as les moyens, ben, tu y vas. Ah, qu'est-ce que j'ai trouvé là-bas? Comment je vais être? Et après, tu peux aller, ne se poser même pas cette question. Pourtant, leur voyage est dur que notre voyage. Les distances que moi, maintenant, qu'ils faisaient au moins en 6 mois, toi, tu les fais en 6 heures maintenant. Dans le confort total, etc. On te sert à manger, on te donne des collations, etc. Jusqu'à ce que tu y arrives. Au moins 6 mois de voyage. Et il dort. Hein, dans le désert, dans des endroits, la peur des brigands, la peur des vipères à corps, la peur des scorpions, etc. Les tempéries, les tempêtes de sable, etc. Hein? C'est avec ça. Et comme tu as usé tes jeans et tes bermudas sur les bancs de l'école laïque, va user des tikamis un petit peu, tes sarouels, hein, pour l'apprentissage de ta religion devant le Mashaykh, Inch'Allah, que ce soit au Yémen ou ailleurs. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance de notre religion. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous oriente vers la bonne voie. Parce que sans ça, on est en danger. Un énorme danger à l'islam. Dans un pays où il n'y a pas d'homme de science, là, c'est la cata. Regarde. Pourquoi tout se trouble dans l'esprit en Europe? Il n'y a pas d'homme de science. Il n'y a pas d'homme de science. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et nous revenons vers notre livre du Cheikh. Hein? Et nous sommes à quel chapitre? 26e chapitre. باب بيان أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وإلى أو إلى غير ذلك من الأمثلة على ذلك. Le 26e chapitre, c'est que nous éclaire comme quoi tout nouveau-né, il n'est sur la nature, sur l'acceptation de la vérité. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala le finit. Ce sont les parents qui vont faire de lui juif, chrétien ou zoroastrien ou autre chose. Et il va nous donner des exemples. Le milieu dans lequel tu vas évoluer, c'est lui qui va faire de toi ce que tu es. Si tu évolues avec des gens de la sunna, tout bien que tu vas attraper la sunna. Si tu évolues avec les innovateurs, tu vas attraper l'innovation, tu vas devenir comme eux. Et ainsi de suite. يقول الشيخ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعاء رواه البخاري ومسلم. Il est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim d'Abu Huraira que chaque nouveau-né, il n'est sur la fitra, sur la nature, d'accepter la vérité, sur le monothéisme. Ce sont ses parents qui vont faire de lui juif, chrétien. Comme née là, la bête est née. Est-ce qu'il est complète? Qui va faire qu'il a un oreille qui manque ou là une... Ce sont les gens qui vont lui couper soit la langue, soit l'oreille, ou un morceau de l'oreille, ou là, soit la queue, ou autre chose. Mais sinon, il n'est complète. وروى مسلم عن حياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين رواه مسلم. Et l'imam مسلم nous rapporte du hadith de حياض بن حمار que Rasoul صلى الله عليه وسلم nous rapporte d'Allah عز وجل. Allah il dit dans ce hadith, j'ai crié mes serviteurs sur le monothéisme. Ce sont Shayatin qui les ont détournés du monothéisme. يقول الشيخ فتبين من هذين الحديثين أن العباد يولدون على الفطرة والفطرة هي الإسلام والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في أول كتابه شرح السنة. ثم يجالس بعضهم قرناء السوء فيتهود إن كان قرينه يهوديا أو يتنصر إن كان قرينه نصرانيا أو يتصوف إن كان قرينه صوفيا أو يتحزب إن كان قرينه حزبيا. ويؤخذ من الحديث أن المولود إن لم يلقى أحدا من أهل الضلال بقي على استقامة وسنة. الشيخ دونودير prend de ces deux hadiths que les serviteurs ils naissent sur la nature. Le fitra ici, c'est l'islam, c'est la soumission à Allah, c'est le monothéisme. Et l'islam, c'est la sunna, et la sunna, c'est l'islam. Comme il a dit l'imam al-Barbahari au début de son livre, Sharh Sunna, l'interprétation de la sunna. Hein? Et après, cher de nous dire, il n'a personne. Si ses compagnons sont mauvais, bah, il va devenir mauvais. Si son compagnon c'est un juif, il sera juif, il va devenir juif. Et si son compagnon est un chrétien, ben il va devenir un chrétien. Et si son compagnon est un soufi, il va devenir comme lui. Si son compagnon est un hizbi, ben il sera comme lui. Et ainsi de suite. Et cher de dire, on prend de ce hadith que quand le nouveau-né ne rencontre pas un élément étranger, s'il ne rencontre pas les gens de l'inaugarement, il va rester sur la droiture et sur la sunna. Mais s'il rencontre, hein, tu comprends maintenant pourquoi? Quand on a une sœur, il y a 10 ans en arrière, maintenant plus de 10 ans maintenant, il a posé une fois une question à Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, sœur de France. Il a dit, Cheikh, est-ce qu'on met nos écoles dans les écoles laïques françaises, etc., ou chrétiennes, etc.? Il a dit non. Il dit alors on les met chez les frères musulmans dans les écoles. Il a dit encore moins ceux-là. Pourquoi? Parce que ceux-là ils vont détruire leur religion. Hein? Ils vont les éduquer sur l'ikhwaniya à bas âge. Si là-bas ils vont leur dire la lirette, de l'autre côté, chez l'ikhwan, n'est crainte. Ils vont, hein? Tout va être bon pour eux. La fête du mouloud, les chansons pendant le mouloud, les vasis, les alternatifs, et ainsi de suite. Hein? Et le gamin, il s'appelle Mohamed, son prof. Hein? Il s'appelle Abdullah. Il est musulman. Le gamin, il prend. Il emmagasine. Hein? Et on va le sortir de cette fêtera sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. C'est pour ça que les gens de l'innovation maintenant, sur le terrain, que ce soit ici en France, même dans certains pays d'Afrique du Nord, font des efforts à avoir les maternelles et à avoir les écoles primaires. Comme ça, le vaccin, il le donne à bas âge. L'ISIN est au Maroc, il se propage comme ça, dans les maternelles et les écoles primaires ainsi, pour donner le vaccin. Les frères musulmans, un petit peu partout à travers le monde, font de même. Pour vacciner à bas âge. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. Les tablir ont commencé déjà en Angleterre et dans certaines régions de France, à Dreux et autres. Hein? Yaqul le Cheikh al-amtilatu ala ma dhakarna. Et Cheikh de dire les exemples sur ce que nous avons dit. Wa min amtilati dhalika anna Ibrahim ibn Ismail ibn Aliya. صحب الأصم الجهمي فأصمه بالتجاهل ومن ذلك أن المأمون تتلمذ على يد البشر المريسي ففتنه بفكرة خلق القرآن حتى عدب الناس بها انتهى et في partie de ces exemples إبراهيم بن إسماعيل بن علي il a été le compagnon de l'Assam al-Jahmi il lui a inculqué le tajahum le Ma'moun qui était un khalifa a pris des cours. Il a été l'étudiant de Bishr al-Mirisi. Il lui a donné l'idée comme quoi le Coran était une créature. Et après le Ma'moun, il a châtié les gens pour faire passer. Et beaucoup d'hommes de science ont été éprouvés avec cette idée-là. Pour que les gens, et même dans les écoles coraniques où les petits-enfants apprenaient à cette époque, ils leur apprenaient que le Coran était une créature. Il n'est pas la parole d'Allah. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, salam. المثال الأول عمران بن حطان ما أدراك ما عمران بن حطان قال الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي التاريخ عند ترجمة عمران قال حدث سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال تزوج عمران خارجية وقال سأردها، قال فصرفته إلى مذهبها. انتهى كلامه رحمه الله. عمران بن حطان إلى فيلسيون سخر الإسلام سيباكم منو الدابي دون سير نبلاء دون سون ليفر ليستوار la biographie concernant la biographie de Imran, il a dit que Salama a dit, le rapportant Salama ibn Al-Qima, le rapportant de Ibn Sirin, Mohamed Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, dit que Imran ibn Hattan serait marié avec une kharijite, une fille qui a l'esprit d'Yal Khawarij, la tendance d'Yal Khawarij. Il a dit je vais la ramener vers la voie de la Sunna, et c'est elle qui l'a amenée vers la voie d'Yal Khawarij. Ils avaient la science, achi, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire, nous autres? Qu'est-ce qu'on peut dire, nous autres? Oh, mais c'est rien. On peut s'asseoir. On peut apprendre avec lui, tajwid, c'est pas un problème. Du tajwid, il te passe les interprétations du Coran qui ne sont pas. Il te ramène les paroles du Sharawi, il te ramène les paroles du Saboni, il te ramène. Hein? Les paroles du l'autre, il te ramène les paroles du Sayyid Qutb ibn Dilal, les vazines. T'en finis pas! فأصبح عمران خارجيا خبيثا حتى أدى به الأمر إلى مدح قاتل علي رضي الله عنه فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا فرد عليه العلماء ومن أحسن من رد عليه ابن الوزير اليماني رحمه الله حيث قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. عمران بن حطانة devenu un impur خارجي tel point que la situation l'a poussé à faire l'éloge de celui qui a assassiné Ali Ridwanullah alayh. Regardez d'où il est parti. Il s'est marié pour sortir une femme de la tendance des Khariji. Là maintenant, carrément, il fait l'éloge, il est devenu un impur Khariji, et il fait l'éloge de celui qui a assassiné le quatrième calife de cette communauté qui est Ali Ridwanullah alayh. Et il dit dans une poésie, « Oh, ce coup qui a était fait par quelqu'un qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut avec le fait de l'agrément d'Allah azza wa jal. Chaque fois que je m'en rappelle, je le considère comme quoi la personne la plus qui a fait le plus pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi il parle de l'assassin de qui? De Ali, du quatrième calife de la communauté. Des hommes de science lui ont répliqué. Et la meilleure des répliques qui a été faite en arabe, c'est celle d'Ibn al-Wazir al-Yamani rahimahullah ta'ala qui dit: un coup d'un malheureux qui voulait avec arriver à sa perte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je me rappelle un jour, je le maudis. Il maudit qui? L'assassin de Ali. Et je maudis en même temps le chien de Imran ibn Hittan. Pourquoi il l'a appelé? Bahada, il fait l'éloge de celui qui a tué et assassiné l'un des plus nobles compagnons, le quatrième khalif de cette communauté, Ali ridwan Allah alayhi. Ainsi fait l'innovation à l'islam. L'innovation, il a remis à ce point-là. À ne plus donner d'importance même aux compagnons du prophète, alayhi salam. Faut même au prophète, alayhi salam. Le mital tani Amr ibn Ubaid. Qala al-Dahabi, rahimahullah, fi sir, wa tarikh, inda tarjamati Amr ibn Ubaid. Qala ibn Aliya, awwal man takallama fi l'i'tizal, wasilu al-Ghazzal. فدخل ما هو عمرو بن عبيد فأعجب به وزوجه أخته وقال زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة. عمرو بن عبيد هذا c'est le deuxième exemple. الذهبي dit de lui dans Siyar, dans les biographies et dans l'histoire, au moment de parler de sa biographie, de la biographie de عمرو بن عبيد, dit que Ali a dit que le premier qui a ramené la tendance de l'i'tizal, c'est Wasil Ghazzal. Et qui rentrait avec? Il rentrait avec Amr ibn Ubaid. Et il a été ébahi par cette personne. Et par ses tendances et ses idées de l'i'tizal. Hein? Il l'a marié avec sa sœur. Il a dit à sa sœur, je t'ai marié avec quelqu'un qui mérite d'être le khalifa. Alors que c'est, il a ouvert une grande porte de l'innovation. Qui est l'Etizal ? Dans lequel encore des tendances maintenant, les Ikhwan, ce sont les poussins d'Yel Mu'tazila. Parce que l'une des caractéristiques d'Yel Mu'tazila, changer le gouverneur. Ils ont des expressions qui sont différentes. Je suis d'Yel Khawarij. Et c'est aussi mettre la raison avant les textes. Et l'Ikhwan, ils agissent ainsi. La raison avant les textes. Et l'Ikhwan aussi, ils ont une expression pour changer le mal, comme il dit Hassan al-Banna. Imma an yahkum al-hakim ou imma an yahkum al-mu'minun. Ou le gouverneur juge, disons avec les lois d'Allah, ou les croyants jugeront. C'est-à-dire, les croyants vont le renverser pour prendre le pouvoir et juger. La même chose. Dis pas que l'i'tizal n'existe pas. Et dis pas que Tejhoum n'existe pas. Les Hibash, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils ne nient pas les attributs d'Allah? وهذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله قال الذهبي رحمة الله عليه في السير قال محمد بن أيوب بن الضريس سألت محمد بن أبي بكر المقدسي عن حديث لجعفر بن سليمان فقلت روى عنه عبد الرزاق فقال فقدت عبد الرزاق ما أفسد جعفر غيره يعني في التشيع قلت أنا بل ما أفسد عبد الرزاق سوى جعفر بن سليمان انتهى كلامه رحمه الله. عبد الرزاق بن همام صنعاني في partie des imams du hadith. Il y a certains parmi eux qui sont une forme de tashayyu. Mais tashayyu, c'est pas comme tashayyu dit Rafida. C'est-à-dire pour certains, ils mettaient Ali avant Uthman dans le classement, etc. Ils ont un tashayyu qui est différent dit Rafida, qui n'est pas à l'extrême comme celui dit Rafida. Donc عبد الرزاق بن همام صنعاني qui a un grand recueil de la Sunna. الذهبي دي رحمه الله تعالى دون البيوغرافي كمحمد بن أيوب الدريس أدي j'ai posé la question à محمد بن أبي بكر المقدسي sur un hadith de جعفر بن سليمان celui-ci est un شيعي là et je lui dis عبد الرزاق rapporte un de ces hadiths et محمد بن أبي بكر المقدسي lui dit moi je n'ai plus vu عبد الرزاق et عبد الرزاق a été celui qui a rendu mauvais جعفر l'autre lui a répliqué non. C'est-à-dire, c'est lui qui lui a donné le tachéyeux. Il a dit non, celui qui a rendu mauvais Abd al-Zahr, c'est Ja'far ibn Suleyman. C'est lui qui lui a donné les dédiés le tachéyeux. وقال أيضا في ترجمة عبد الرزاق من تاريخ الإسلام قال جعفر بن سليمان الطيالسي سمعت ابن معين يقول سمعت من عبد الرزاق كلاما يوما استدللت به على ما ذكر عنه من المذهب يعني التشيع فقلت له إن أستاذيك اللذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة معمر ومالك وسفيان وابن جريج والأوزاعي فعمن أخذت هذا المذهب أي هذا التشيع فقال قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي فرأيته فاضلا حسن الهدي فأخذت عنه هذا. Et dans l'histoire de l'islam écrit par l'imam Dahabi rahimahullah, Ja'far ibn Sulayman Tayalisi a dit, j'ai entendu ibn Ma'in rahimahullah dire que j'ai entendu Abd al-Razzaq des paroles un jour, et ces paroles je les ai prises pour comme preuve comme quoi du tachayur dans lequel on lui attribue. Comme preuve pour le tachayur pour lequel on lui trouve. Et j'ai dit à Abd al-Razzaq, tes profs, duquel tu as pris, sont tous dignes de confiance. Sont tous des gens de la Sunna. Ma'mar, Malik, Soufiane, Ibn Jurayl, l'Aouza'i. De qui t'as pris cette voie-là? C'est-à-dire ce tachayur, tu l'as pris de qui? Il lui a dit un jour, Ja'far ibn al-Sayman Dab'i est venu, c'est-à-dire de la ville où ils sont, et je l'ai vu qu'il était bien. Non, adorateur, bien dans le comportement, et j'ai pris ça de lui. Donc fais très attention du comportement. Certains, ils ont du comportement. Mais avec le comportement, il y a du venin. Il y a du venin. Il va t'enduire en erreur. J'ai vu qu'il avait un bon comportement, qu'il était dans la droiture, etc., qu'il était noble, qu'il était vertueux. C'est de lui que j'ai appris ça. Ne crois pas que là tu vas prendre de la personne que la sunna. Là, l'islam. Hada, c'est les hommes de science. Abdelrazzaq fait partie des imams du hadith. Hein? Et ça s'est immiscé malgré tout. Par Allah, moi et toi. Hein? Nous ne devons pas arrêter de se mentir à soi-même. Hein? Je vais écouter pour voir ce qu'ils disent. Et je prends le bien et je laisse le mal. Hein? Si des imams comme Abdelrazzaq n'ont pas vu la chose passer, qu'est-ce que je verrai moi et toi? Que dalle! Que dalle tu verras à l'islam. Donc préserve-toi. Préserve-toi et préserve ta religion. Crains Allah pour ta religion. Crains Allah pour la voie du tipiseur d'Allah alim pour la sunna de ton prophète alayhi salam. المثال الرابع ابن عقيل أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل العقيل الحنبلي المتوفى سنة 513 صاحب الفنون رحمه الله تعالى لو كاتخيام اكزامبل ابن عقيل أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل العقيلي كي حنبلي دو مذهب كي مور ان 513 اي يتوشي ا تو لي دومين يتوشي ا تو لي دومين اخر الاسلام كان متهما بالاعتزال ففي حوادث سنة 461 هجرية من تاريخ ابن كثير قال وفيها نقمت الحنابلة على الشيخ أبي الوفاء بن عقيل وهو من كبرائهم بتردده إلى أبي علي بن الوليد المتكلم المعتزلي واتهموه بالاعتزال وإنما كان يتردد إليه ليحيط علما بمذهبه ولكن شرقه الهوى فشرق شرقة كادت روحه تخرج معها فصارت فيه نزعة منه وجرت بينه وبينهم فتنة طويلة وتأذى بسببها جماعة منهم وما سكنت الفتنة بينهم إلا سنة 65 ثم اصطلحوا فيما بينهم بعض اختصام كبير اللي Ibn Aqil Hada, on l'accusait comme quoi il était dans l'i'tizal. Dans les événements de l'an 461 de l'histoire de Ibn Kathir, qui est le Bidaya ou le Nihaya, hein, il a dit, Ibn Kathir a dit, et en cette année-là, le Hanabila ont reproché des choses à Abil Wafa, Ibn Aqil, qui était un cheikh, c'était un homme de science pour eux. Il faisait parmi les grands de l'Hanabila de son époque. Parce qu'il allait chez Abi Ali ibn al-Walid, qui était un dissertateur, il faisait partie de l'école de la dissertation, de la spéculation au niveau de la parole, et qui était mu'tazili. Et comme il allait vers lui, ils ont accusé ibn Aqil d'être un mu'tazili aussi. Certes, il allait le voir pour connaître sa voix, mais il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper par cette voix-là. Il y a des choses de cette voix qui se sont immiscées en lui. Il a commencé à avoir les mêmes paroles et les mêmes, hein, les expressions que de l'i'tizal comme l'autre. Il y a eu entre eux une grande fitna entre Ibn Aqil et les autres. Une grande fitna. C'était pour qu'il ait duré 5 ans. Et après les 5 ans, ils se sont réconciliés. Hein. Après de grandes disputes. Si maintenant un homme de science tombe comme ça, qu'est-ce qu'il en est de nous, à l'islam? Et lis l'histoire de tes pisaïeuls. Ne te fais pas avoir parce que tu as compris un sujet ou là que tu as maîtrisé une règle d'arabe ou là que tu as maîtrisé l'ajroum. Il n'y a qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'augmente et qu'il te donne plus. Mais ne te fais pas avoir, à l'islam. Ne te fais pas avoir. Attention, attention. Ah, attention, la glissade vite. Parce que si tu te fais avoir et que tu as un but de toi, ça veut dire que tu n'as pas respecté la voix du tupiseur d'Allah Ali, qui veut de toi que tu sois sur une clarté de ta situation. قال ابن بطة رحمه الله ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم يعني المبتدعة فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم ابن بطة دون إبانة يدي J'ai vu un nombre de personnes qui insultaient, qui maudissaient les gens de l'innovation Après, ils se sont allés s'asseoir avec eux pour blâmer leur situation, pour leur faire des réfutations, pour leur répliquer. Et les autres n'ont cessé d'être sympathiques avec eux, etc. Et à manigancer, etc. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés dans la même voie qu'eux, ils sont restés avec eux. Ne te fais pas avoir, à l'islam. Fais très attention. وهذا الباب السابع والعشرين حكم مناظرة أهل البدع. Le 27e chapitre, c'est quoi le jugement du fait de débattre avec les gens de l'innovation? Beaucoup de nos frères disent, pourquoi les salafis ne débattent pas avec Tariq Ramadan? Qu'est-ce qu'il veut débattre avec Ada? Qu'est-ce qu'il veut débattre avec lui? Et il faut que tu connaisses les paroles de Tipizel concernant le fait de débattre avec un innovateur. Et beaucoup rentrent dans des rooms, ils veulent débattre avec les tkfiri, ils n'ont même pas les arguments, ils se font avoir, ils deviennent des tkfiri. Et l'autre, il lui envoie une ambiguïté, ça, il est bloqué. Le lendemain, tu le vois, mais il m'a dit ceci. Et qui t'a été? Qu'est-ce que t'a été perdre ton temps? Et quand tu lui poses la question, il est resté avec 2 heures ou 3. Subhanallah, pourquoi ces 2 heures-là, tu ne l'as pas passé à apprendre un verset du Coran? Ou à prendre une ligne d'un hadith? Ou à prendre une règle de grammaire de la langue arabe? Et Shaitan, il joue comme ça avec nous. Il fait perdre le temps, le capital qui est ta vie, qui sont ces instants que tu vis, il te les fait perdre pour rien. قد نهى الشرع عن الجدال في الدين ومناظرة أهل البدع وكذلك ذكر السلف الصالح في كتب العقائد ما يدل على تحريم الجدال في الدين ومناظرة أهل البدع. La législation interdit le fait de polémiquer sur la religion et de débattre avec les gens de l'innovation. Et ainsi on dit salaf, les plus élèves d'Allah alayhim. Et ceci est rapporté dans les livres des croyances. Dans les livres des croyances, il y a ce qui prouve comme quoi il est interdit de polémiquer dans la religion et de débattre avec les gens de l'innovation. فبوب الآجوري رحمه الله في الشريعة باب ذم الجدال والخصومات في الدين. L'Ajouri dans son livre Sharia, il dit chapitre, il a un chapitre. Le blâme concernant la polémique et les disputes dans la religion. وابن بطة في الإبانة الكبرى باب النهي عن المراء في القرآن. La même chose chez ابن بطة. Pour lui mettre sur le Coran, il a mis un chapitre. ولا لك في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. إلا لكائي دون شرح أصول السنة سنة اعتقاد أهل السنة والجماعة إلى غامني لدي شابتر لبخوف ce qui nous a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام du fait que l'interdiction de débattre avec les gens de l'innovation, de polémiquer avec eux, de leur parler et de parler sur leurs innovations et sur leurs opinions impures. والحافظ إسماعيل الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. الحافظ الإسماعيلي dans la preuve, dans l'éclaircissement de la preuve, الحجة في بيان المحجة dans l'éclaircissement de la voix, un chapitre. L'interdiction de débattre avec les gens de l'innovation, de polémiquer avec eux et d'écouter leurs paroles. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله باب ما يكره فيه المناظرة والجدال. Ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi dans son livre, où il montre les vertus de la science. Et il dit chapitre, là où il est détestable de débattre et de polémiquer. يقول الشيخ وقد ذكر العلماء تحت هذه الأبواب المئات من الروايات عن السلف في ذم الجدال والمراء والخصومة في الدين ما لا يليق له هذا المقام، فليراجع. لكن من الأهمية بمكان أن يعلم ما الحكمة في نهي السلف عن مناظرة أهل البدع. الشيخ de nous dire, les hommes de science concernant ces chapitres ont cité plusieurs, des centaines de paroles de Salaf Abdullah Alim en concernant le blâme, du fait de polémiquer et de se disputer pour ce qui concerne la religion. Et il dit, cette risala ne peut pas contenir tout ça. Mais il dit, mais ce qui il faut revenir au livre des Salaf. Tu reviens à l'alakaï dans Sharh Usul Sunna ou Usul Atiqad al-Sunna ou chez Oudon Ibn ou dans Sharia, tu vas trouver toutes ces paroles des hommes de science. Ou dans le livre d'Ibn al-Barr, hein? Mais tout cela, ça demande de nous de retrousser nos manches et d'apprendre l'arabe, hein? Et pour pouvoir aller goûter à ce goût exquis des paroles des hommes de science. Et il dit, mais le plus important, c'est attirer l'attention où il est la sagesse dans le fait que Salaf ont interdit le fait de débattre avec les gens de l'innovation. Et ça, c'est très important de le savoir. والجواب يقول أن الحكمة من ذلك هي أن الشبه خطافة وأن القلوب ضعيفة فرأوا أن عدم السماع من أهل البدع أسلم. La réplique à ça, la réponse du cheikh, c'est que la hikma dans tout ça, c'est que les ambiguïtés ont l'effet de l'aimant. Ils tirent et les cœurs sont faibles. Et c'est pour ça qu'ils ont vu qu'il n'est pas. Qu'il ne faut pas écouter les gens de l'innovation. C'est beaucoup mieux pour la personne, et pour le cœur de la personne, et pour la religion de la personne. فممن علل بذلك الإمام الآجوري فقال بعد أن حذر من مناظرة أهل البدع. Et celui qui a ramené cette hikma, parmi ceux qui ont ramené cette hikma, qui l'ont pris comme cause, comme quoi il ne faut pas polémiquer avec les gens de l'innovation, c'est l'imam الآجوري رحمه الله عليه dans son livre Sharia. Après qu'il a averti contre le fait de débattre avec les gens de l'innovation, il a dit فَإِذَا قَالَ فَلِمَا لَا أُنَاظِرُهُ وَأُجَادِلُهُ وَأَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. Il dit, si on dit, pourquoi je ne débat pas avec lui? Pourquoi je ne polémique pas avec lui? Pourquoi je ne réfute pas ses paroles? قِيلَ لَهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْكَ أَن تُنَاظِرَهُ وَتَسْمَعُ مِنْهُ كَلَامًا يُفْسِدُ عَلَيْكَ قَلْبَكَ ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت إلى أن قال وهذا الذي ذكرت لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين وموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. الآجري رحمه الله الذي à cette réponse, hein, on n'a pas la sécurité pour toi et tu n'as pas la sécurité pour toi que quand il va débattre avec lui et écouter sa parole, qu'il ne va pas détruire ton cœur. Hein? Il va t'avoir avec son faux, que Shaitan lui a embelli, et tu vas périr aussi. Jusqu'à ce qu'il ait dit, et ce que je t'ai cité, c'est la parole des grands imams de l'islam qui sont passés avant nous. Et ceci va de pair et conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Et là s'arrête la parole imam Ajur al-Rahimahullah. يقول الشيخ ومنهم الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله فقال ناقلا عن أصحاب الحديث من السلف ويبغضون أهل البدع إلى أن قال ولا يناظرونهم ويرون أن صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. انتهى كلامه رحمه الله من عقيدة السلف أهل الحديث. Et fait partie de cela aussi l'imam Sabouni rahmatullah alayhi dans son livre qui concerne l'aqida dit le salaf, l'aqida des gens du hadith. Il dit rahimahullah ta'ala, en le rapportant des gens du hadith, il dit, il déteste les gens de l'innovation jusqu'à ce qu'il ait dit, et ils ne débattent pas avec eux. Ils voient que le fait de protéger les oreilles de leurs paroles et de leurs fausses opinion de leurs fausses paroles est mieux, car ces paroles, quand ils effleurent les oreilles, ils vont aller directement dans le cœur, ils vont faire du mal au cœur. Ils vont ramener le waswas dans l'esprit de la personne. Ils vont ramener beaucoup de mal après. Ah, c'est la parole de plusieurs d'Allah. Hein? Ainsi ils étaient. Hein? Et comme on veut être sur leur voie, ben, il faut prendre leur conseil. Hein? Être sur la même voie et les suivre. Et le suivi, c'est que tu prennes le même chemin. Là où ils ont posé le pied, tu le poses. Le chemin et la route qui était large pour eux, il est large pour nous. Hein? Il est large pour nous. Tu ne dois pas sortir de la route. Ni aller à droite de la route, ni à gauche de la route. Là, tu prends le même chemin que l'Islam. Tu apprends c'est quoi ce chemin et tu restes dedans. Tu te cramponnes dedans et tu restes. Et tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te raffermi sur cette voie-là. ومن هؤلاء الأئمة الذين أشاروا بذلك الإمام البربرهاري فقال في كتابه شرح السنة وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك انتهى كلامه رحمه الله. Et parmi les imams qui nous ont avertis et qui ont attiré l'attention sur le fait de ne pas débattre et de ne pas écouter les gens de l'innovation, le grand imam, imam al-Barbaha, rahmatullah alayh, dans son livre sur l'aqidah sharh sunnah, il a dit, si tu veux la droiture et rester droit dans la vérité et sur la voie des gens de la sunnah qui sont passés avant toi, fais attention à la spéculation et aux gens de la spéculation et fais attention à la polémique et à l'analogie et au débat dans la religion, car le fait d'écouter ces gens là même si tu n'acceptes pas d'eux, ça va jeter le doute dans ton cœur, et c'est suffisant pour que tu périsses. Même si tu n'acceptes pas d'eux, il y aura toujours un doute qui va s'installer, qui va s'immiscer. Hein? Ah, là c'est la voix de ceux sur lequel nous devons être sur leur chemin. Ceux qui étaient sur la même voie de Mohammed alayhi salam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection à l'islam. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله الصومالي هذا إذا كان الشخص مجادلا مع المبتدع ومستنكرا لما عنده من عند ذلك المبتدع ومبرزا أدلة أهل السنة عنده فكيف إذا كان طالبا ومستكثرا لما عند ذلك المبتدع من البدع والضلالات. Regarde ici le point sur lequel il attire ton attention, Cheikh Abdullah Soumali, حفظه الله تعالى. Il dit ça concerne celui qui va débattre, qui va polémiquer avec les gens de l'innovation et qui va leur montrer qu'ils sont dans le faux. Et qui blâme la voie sur laquelle ils sont. Et il ramène les preuves de la sunna. Qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui va augmenter leur nombre et qui va apprendre chez eux? Hein? S'il est interdit à quelqu'un qui a la science d'aller débattre avec eux, hein, qu'est-ce qu'il est de celui qui va apprendre chez eux? Encore plus à l'islam. يقول الشيخ فلا شك أن هذا أخطر وأخطر من ذلك وأن تحريمه أظهر وأولى من تحريم مناظرة أهل البدع وهذا ظاهر والله أعلم. Il dit حفظه الله تعالى. Il y a aucun doute que ça c'est plus dangereux que l'autre. C'est plus dangereux encore. Ils sont l'interdiction et encore à mettre en priorité. Plus que l'interdiction du fait de débattre avec les gens de l'innovation. C'est l'interdiction de débattre avec les gens de l'innovation. Et là, et il est légiféré, bah encore plus, le fait d'apprendre chez eux est interdit. Charles Barthé ? Et nous arrêtons là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.